Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec mon frérot Multiville, Taslim. Salut à tous. Salut Taslim. Comment tu vas Sofiane? Ça va très bien, merci, et toi? Mais écoute, ça va super, bon. Content de te revoir après 3 ans. Punaise, oui, 3 ans. Et justement, je tenais à expliquer pourquoi est-ce que je dis Multiville. C'est parce qu'en fait, Taslim, donc on s'est connu à Bordeaux à l'époque, il venait de Tours. Ensuite, il est venu habiter à Bordeaux. Il est parti à Toulouse pour ses études. Ensuite, il est descendu à Barcelone. Et quand j'ai analysé ses déplacements, je me suis dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que petit à petit, on le sort de l'Europe? Tu vois, je me suis dit, l'année prochaine, il étudie à Casablanca, c'est sûr. Donc je suis content pour lui parce qu'il a vraiment réussi à remonter et à aller contre les douanes. Donc maintenant, contre l'immigration, c'est bon, il a réussi à remonter, il est remonté à Tours. Et maintenant il monte carrément à Paris pour tenter sa chance dans le stand-up. Vraiment tenter sa chance à 100% parce que ça fait quelques années que tu fais ça mon frère. Ah, ça fait 5 ans maintenant. 5 ans, voilà, bah oui, on a quasiment commencé ensemble hein. Ah ouais, exactement, bon, t'as plus de bouteilles que moi, faut dire ce qui est. J'avais commencé un tout petit peu avant, mais franchement, ouais. Les grosses années de stand-up, ça s'est passé avec toi au début. Exactement. Parce qu'on avait monté le Gavestyle et t'étais parmi les... Exactement. Ben, en plus, on a commencé à jouer il n'y a pas très loin de là. On est à quelques mètres de l'endroit où on jouait. Exactement. On est au Palais de Justice ici, exactement. On est dans mon bus. Voilà, d'ailleurs, j'en profite pour faire un bisou à mon pote Michel Bruno qui m'avait dit, donc c'était le premier invité de ce podcast, qui m'avait dit un jour, donc dans l'épisode du podcast que vous pouvez réécouter, dans le premier épisode, il m'a dit, t'as vu, on est dans ta voiture et tout, et peut-être qu'un jour ça ira mieux et qu'on enregistrera dans ton bus. Ben Michel, on a réussi. On est dans mon bus. Donc on est à quelques pas d'un bistrot qui à l'époque s'appelait Gourmandise Coupable, qui n'existe plus maintenant. Et on avait monté cette scène ouverte et tout, c'était cool. Mon frérot Taslim a quelques anecdotes à nous raconter. Alors un jour on était parti jouer dans un endroit inconnu. Oui. Un endroit on est parti jouer. Qui n'est pas sur la carte. Qui n'est pas sur la carte, du coup voilà. Et, du coup là-bas il y a pas le GPS hein. Voilà. Ouais, on est d'accord. C'est toujours en noir et blanc. Et, et en gros on est parti jouer à Parthenay. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Oui, Parthenay, c'est à côté de Niort. Exactement, mais c'est vraiment un coin perdu. Alors déjà Niort c'est perdu, mais Parthenay c'est encore pire. D'accord. Et du coup en fait avec un autre humoriste qui s'appelle Nordine, on était parti jouer là-bas. Mm-hmm. Et Nordine Ganso, oui, qui a fait partie du podcast également. Exactement. Alors dis-toi, on a fait quoi? On a fait, parce que moi à l'époque, enfin j'habitais à Toulouse quand même, tu vois. Donc oui. J'ai fait Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Bordeaux, je crois, Angoulême, Poitiers, Niort, Parthenay. Ah ouais, quand même. Et pour nous dire que c'était remis au lendemain. Ah, ça a été annulé? C'était remis au lendemain. Ils nous ont pas prévenu? Ils ont pas prévenu. Oh là là là là. C'est pas prévenu. Oh là là. Et c'est arrivé deux fois. Une fois, une fois on est parti à Niort, ça s'est bien passé. Et le lendemain, et ce jour-là, quand t'es parti à Parthenay, on a joué le lendemain pour te dire. On a joué le lendemain. Là. Donc t'avais prévu de dormir là-bas et tout? Oui, ou... non, en fait, j'explique. Enfin, en gros, ils nous ont prévenu, en fait, bon, en y allant, en fait. C'est qu'en fait, à la base, on devait jouer ce jour-là. Ouais. Et au final, ça a été remis. Décalé le lendemain. Ça dégale le lendemain. Il y avait quand même du monde. Il y avait du monde. Il y avait un peu de monde. Bon, ben ça va, c'est voilà. Déjà ça. Il y avait une star. Il y avait qui, vas-y? Ah, une grosse star. Ah. Le maire de Parthenay. Le maire. Oh punaise, mais attends, mais c'est du lourd. Ah, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est clair, attends. Il a fait un peu de stand-up ou pas? Ah, oui. Bah... Parce que tu sais que les hommes politiques sont très très, très forts. Ah, ouais, justement. D'ailleurs, j'en profite pour saluer notre maître à tous, hein, Emmanuel Macron. Moi, je suis plus de l'école Manuel Valls, tu sais. Ah, genre, ouais retourner sa veste au bon moment et tout. En parlant de veste, est-ce que ça fait penser à Fillon? Non, les costards, les costumes. Les costumes, tu vois. Ça fait penser alors, à Fillon, tu vois. Alors, on va dire que j'essaye d'être un mix entre Manuel Valls et Fillon. C'est-à-dire que j'essaye de retourner les vestes qu'on m'a offertes, tu vois, au bon moment. je pense qu'on a un bon mix là. Ah, mais en parlant de ça, c'est que Valls, tu sais qu'il s'était présenté à Barcelone aussi. Ben, bien sûr. Tu sais qu'il s'est fait recaler. Ah, ben, il s'est fait recaler et ouais. Il s'est rallié à son adversaire. D'accord. Genre, il voit qu'il a perdu, il dit ouais, mais finalement, je t'aide. Bon, tu sais qu'au final, il ira à Casa lui. Ah bah, c'est clair. C'est sûr, clair. C'est sûr. D'ailleurs, il y avait des trucs qui circulaient à une époque sur Facebook quand il parlait de l'Algérie, tu vois, et il disait, tu sais, il mettait genre Manuel Valls qui disait qu'il allait se présenter en Algérie, tu sais. Ah, mais franchement, tout est possible. C'est possible. Bah, honnêtement, avec lui, je suis plus étonné de rien. Bon, en tout cas, c'était pas mal ce coup de Parthenay là, qu'on t'a laissé tomber et tout, qu'on t'a décalé au lendemain. Encore, tu vois, j'étais pas seul, ça va, parce que donc c'était cool. Alors, je précise, quelqu'un klaxonne, mais ça n'a rien à voir avec moi. Tu avais donc tu avais une autre anecdote à raconter? Non, en fait, du coup, je vais demander si toi t'en avais une à me raconter du coup. Ah moi, j'en ai une à te raconter. Ah bah je peux en avoir une à te raconter, oui, avec plaisir. Mon anecdote, c'est qu'une fois j'ai joué dans une ville et tout, on m'a dit tu vas jouer au chapeau. Moi au début j'ai dit non, franchement je préfère jouer, je préfère même, tiens, quitte à ce qu'il n'y ait que 10 personnes qui payent 10 euros par exemple, ouais. Je préfère avoir 100 euros comme ça que 100 personnes qui mettent 1 euro, tu sais, ouais, je sais ouais. pas, c'est psychologique, oui. Je préfère que les gens payent une vraie place. Oui. Et le mec m'a dit, oh mais t'auras personne et tout, je dis mais au pire on fait 50-50 toi et moi. Et il me dit non, t'inquiète pas, bah tu sais quoi, tu prends tout l'argent parce que de toute façon t'auras personne quasiment. Je dis ok c'est pas grave, je lui envoie les affiches, il met l'annonce, il met donc 10 euros l'entrée et tout, on a eu 36 payants. Ce qui fait qu'il y avait 360 euros dans la caisse, donc ouais. J'étais content, tu vois. Et après, il vient me voir à la fin, il me fait bah, dis donc, t'avais raison. Il me dit, tu sais quoi, à partir de maintenant, on fera que des entrées payantes. Il me dit, t'as totalement raison, le chapeau, c'est pourri. Il me dit, par contre, on va faire 50-50 finalement. C'est du lourd ou pas? Le mec, il m'a grillé la gueule, quoi. Vraiment, il m'a arnaqué comme pas possible. À la base, je lui ai proposé, il a dit non. Et quand il a vu l'appât du gain, il a dit, ouais, on va partager. Alors, en tout cas, c'est comme ça. Oui. Alors, évidemment, on dira pas de quelle nationalité il était. Sinon, les Algériens vont se cacher. Non, je vanne beaucoup les Algériens sur scène, mais non. Il avait rien à voir avec les Algériens. Bon, on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux. Exactement, Taslim SLM sur. Donc, Taslim TASLIM. TASLIM sur Insta, Taslim62, donc 62 sur Snap. Ouais. Taslim sur Facebook. Et d'accord. Voilà. Eh bien, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etahi, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.